Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous saluons en même temps les frères et les sœurs qui sont en ligne. C'est toujours un plaisir d'être ensemble. Nous sommes séparés depuis dimanche. Mais Dieu a été bon envers chacun de nous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Levons-nous pour un mot de prière. Père Céleste, merci. Baba, allez, je m'ingouni, tu n'as pas accenté. Comme ton serviteur l'a dit dans sa prière, nous ne sommes pas corrects dans beaucoup de choses. Mais nos yeux sont fixés sur l'œuvre du calvaire. Si nous retournons nos yeux pour regarder à nos actions, nous tomberons certainement. Viens, Seigneur Jésus, sois notre soutien, sois notre conducteur, sois notre sanctification, sois notre victoire. Comme des hommes, nous avons des besoins. Réponds, Seigneur, à chacun de nous. Amen. Pour la gloire de ton nom. Souviens-toi des frères, des sœurs qui sont en ligne. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta conduite. Fais-le uniquement pour notre édification. Et pour que ton nom soit glorifié parmi les peuples. Kusudi jina lako litukuzwe katikati ya watu. Bénis la parole qui sera lue. Ubariki neno tutasoma. Et bénis chacun de nous. Na ubariki kila moja wetu. Assistez-nous en toutes choses. Mubitu byote wopate kutusaidia. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristu. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Dans Actes des Apôtres au chapitre 8. Matendo ya mitume sura yake ya munani. Vous lirez à la maison du verset 5. Kunyumba mutanzia pa mstari yake ya 5 jusqu'au verset 13. Ata kufika paka na 13. Ici nous lirons le verset 5. Apa tasoma tu 5. Le verset 12, mstari ya 12 et le verset 13. Na ya 13. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, Filippo alishuka mule mmoja ya Samaria, il prêcha le Christ. Akahubiri Kristo. Dans son verset 12, mstari ya 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, lakini wakati waliamini ndani ya Filipo, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ule alianza kubatangazia habari njema ya ufalme wa Mungu, et du nom de Jésus-Christ, na jina la Yesu Kristo, hommes et femmes se firent baptiser. Wanamuke na wanaume wajibu. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusoma neno lake. Mais quand il eut cru à Philippe, lakini mwakati walimwamini Filipo, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ule mwenye alibatangazia habari njema ufalme wa Mungu, et du nom de Jésus-Christ, na hata jina la Yesu Kristo, hommes et femmes se firent baptiser. Banamuke na banaume baritika kubabatiza. Lorsque l'évangile est apporté, wakati injili inahubiriwa, les auditeurs, wale watu wanikalamu kushikia, doivent faire confiance dans l'instrument qui est devant eux pour leur parler. Banapasha kwanza kutumainia ile chombo kumbele yabo njoo kubasemezea. Ils doivent croire que celui qui leur annonce la parole de Dieu est un véritable homme de Dieu qui leur annonce la voie du salut. Banapasha kuamini kwamba ule kumbele yabo ni mtumishi wa Mungu wa kweli na yeye kunabatangazia habari njema ya Mungu. Regardez le verset 12 ici. Mwangalie mstari ya 12. Quand ils crurent à Philippe, mwakati waliamini na ya Filipo, ils n'ont pas cru à Philippe comme leur sauveur, aba kumwamini Filipo sawa Mungu wabo wala mkombozi wabo hapana. Ils ont cru à Philippe comme un véritable serviteur de Dieu, comme un véritable envoyé de Dieu qui leur parlait de la part du Seigneur. Warimwamini Filipo sawa mtumishi wa Mungu wa kweli, sawa mtu mwenye Mungu alituma njoo kubasemezea kwa upande yake. Mais leur salut, lakini wokovu yao, était entièrement fondé sur Jésus-Christ. Il y croit et écoutait à Messie, il y a Jésus-Christ. C'est même ce que Dieu, dans cet âge, a dit à Frobanam. Na njoile mwikizaji Mungu yemnyani mwambia ndukuranam. Il dit, si tu amenais les gens à te croire, anamwambia osema kama unapeleka batu unafikisha batu kukuamini, rien ne résistera à ta prière. Hakuna kitu kitajama kwa maombi yako. Même le cancer. Ata kansa itakimbia maombi yako. Pour gagner quelques faveurs de la part du Seigneur, juu ya kuina wala kupata msaada wa faveur ma kidogo kwa Mungu, il faut croire dans ses envoyés. Inafai waamini mundani abale kuna tuma. Pour que la prière d'un serviteur de Dieu ait effet sur vous et son accomplissement sur vous, juu maombi ya mtumishi wa Mungu ikuwe na matokeo wala itimilike yulu yako, que tu reçoives ce que tu demandes, kusudi upate kufika mkupokea kilo kunaomba, que la bénédiction de Dieu qu'il prononce à ton égard au nom de Dieu baraka et son effet ya Mungu ile kunatangaza kwako ipate kupokea matokeo yulu yako, pour que ta maladie te quitte et que tu sois guéri, jumagonjwa yako ipate kuacha na upate kupona. Il faut d'abord croire, na fadhali waamini, que celui qui prie pour moi, ya kwamba huyu mtu aliyeniombea, est un envoyé direct de Dieu, ni Mungu ndiye alimtuma, c'est un serviteur véritable de Dieu, ni mtumishi wa kweli wa Mungu, et tout ce qu'il est en train de faire, na hivyo yote hivyo kunafanya, il le fait au nom de Dieu, eko nivifanya ni mujina wa Mungu, et quand vous faites confiance dans ce qu'il fait, na kama unatumainia bile kunafanya, vous le croyez, unamwamini, et vous croyez à sa prière, na unaamini mule maombi yake, et à ce moment-là, jo mule wakati, Dieu exaucera, Mungu atajibu. Mais si vous ne croyez pas, lakini kama awaamini kwanje, dans un homme de Dieu rien ne se fera, mutumishi wa Mungu hakuna kitu kile kitafanyika. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu aibariki. Nous continuons avec notre série de questions-réponses. Tunaendelea na kipande yetu ya maulizo na majibu. Aujourd'hui nous prenons la question 5. Leo tutabeba ulizo ya 5. Bonjour berger. Amjambo mchungaji. Ma question est celle-ci. Ulizo yangu ni hii. Un péché commis avant de croire, eti zambi ile mtu alitenda mbele ya kuamini, avant d'être baptisé, wala mbele ya kukubatiza, est-il réparable ou pas? Eti unaweza kuitengeneza wala hapana? Un péché qu'on a commis dans l'ignorance. Zambi ile ulitenda wakati ile hauyajua kitu. Si maintenant on te baptise. Sasa kisha kukubatiza. Ce péché là et ile zambi doit-il être réparé ou pas? Eti unaweza kwenda kuitengeneza wala hapana? Je réponds à cette préoccupation. Mina semula najibu kuyuli angaiko. Tous les péchés, zambi yote, toute incrédulité, kutokuamini kote, toute désobéissance, kutokuti kote, que nous avons vécu dans l'ignorance avant la foi, wala bile biote tunaanza kuishi mbele ya kuamini bila imani, doit être réparé avant d'être baptisé. Mbele ya kuingia mwa ubatizo unapasha kutengeneza. Avant de s'engager avec le Seigneur par la voie du baptême, mbele ya kuchukua mipango mwingia ubatizo na Bwana, il faut premièrement réparer tous les péchés que vous avez commis. Ya kwanza inafai kuanzia kutengeneza ile mazambi yote ulitendaka. Si la repentance ne précède pas votre baptême, kama autangulie kutubu wala kutengeneza mbele ya ubatizo. Si la foi ne précède pas votre baptême, kama imani aitangulie ubatizo yenu, tu n'iras nulle part. Ni kusema autenda mbari, autenda fashi. Même après votre baptême, ata kisha kukubatiza, vous serez seulement un païen, une païenne. Utakuwa tu mupagano mwanaume wala mwanamke. Un bon membre religieux de l'église. Lakini memba mzuri wa kidini mkanisa. C'est pourquoi frère et sœur, je kwa maana nduku na dada, avant de vous engager dans le baptême au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes censé premièrement mettre votre vie en ordre. Vous devez vous repentir. Vous devez regretter cette vie que vous aviez passée dans l'ignorance, loin de la présence du Seigneur. Toutes les offenses que vous avez faites contre Dieu, vous devez les confesser. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens font. Même les gens qui viennent à l'hôtel, ils ne savent pas pourquoi on les amène à l'hôtel. Quand on approche les nouveaux croyants à l'hôtel, c'est pour leur donner l'occasion de se repentir devant la face du Seigneur. Et pour que leur baptême ait des faits. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. On ne doit pas baptiser un homme ou une femme non repenti, non. C'est comme nous l'avons souligné dans la voie du salut. En réalité, c'est lui qui a droit au baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. C'est une personne déjà née de nouveau, qui est déjà devenu un enfant de Dieu. Il a une véritable foi dans l'œuvre du calvaire. Et vous ne pouvez pas être un un véritable fils de Dieu avant de mettre ta vie en ordre. Car la Bible elle-même dit ceci. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 37 à 38. C'était le jour de la Pentecôte. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. À cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra jamais sur une personne non pardonnée. Et personne ne peut être pardonné si il ne s'est pas repenti. D'abord la repentance, après le pardon, et ensuite on va dans le baptême. Non, dans le baptême des eaux. Oui, bien aimé frère. C'est vrai. Bien que le baptême du Saint-Esprit peut venir, peut intervenir même avant le baptême. Dans des cas spéciaux. Si le cœur était déjà préparé comme chez Corneille. Mais la repentance. Et le pardon de péché précède ces expériences. Que Dieu vous bénisse. Et Frère Branham enseigne et dit ceci. Aussi longtemps que dans votre cœur, après votre baptême, il y a une condamnation, c'est-à-dire ta repentance n'était pas correcte. Si après votre baptême, vous sentez toujours une condamnation sur une chose que tu as commise dans l'ignorance, cette condamnation-là persiste, alors je vous dirai, mettez cela en ordre. Parce que vous n'irez pas, vous n'irez nulle part. Faites-le le plus tôt possible. Ne vivez pas avec des cœurs condamnés. Nous n'avons pas beaucoup de temps à passer sur la terre. Ce que tu dois faire aujourd'hui, il ne faut pas le projeter pour demain. Parce que ce n'est pas toi qui gères ton souffle de vie. Ce n'est pas toi qui gères tes jours entre tes mains. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu t'appellera. Quand une condamnation s'élève, mettez-vous en ordre. Soyez en paix avec Dieu. Soyez en paix avec votre conscience. Et vous évoluerez correctement dans ta foi. Ne laissez aucune condamnation. Dans question-réponse, du 3 janvier 1954 matin, dans son paragraphe, vous commencez 34, je prends les 36 et 37 pour aller un peu plus vite. Et dans le paragraphe 34, Frère Branham parle du rebaptême. Na munukta yake makumi tatu na ine ndugu Branham anasema unaenda hata kubatiza mara ya pili. Il dit j'en ai baptisé plusieurs. Anasema mimi nisha kubatiza mara ya pili watu ba mingi. Dans le paragraphe 36. Munukta yake makumi tatu na sita. Bon. Muzuri. Je ne suis pas opposé au rebaptême, c'est-à-dire à ceci. Mishi kombanishe imambo muntu bana mubatiza tena mara ya pili. Je ne suis pas opposé au rebaptême. Mishi kombanishe wala mishi katale ile kwenda kubatiza mara ya pili. Kubatizwa mara nyingine. Vous voyez. Munaona. Puisque nous avons rempli le baptistère. Nous sommes prêts à baptiser quiconque désire être baptisé à n'importe quel moment. Nous ne sommes pas contre. Ainsi, si vous voulez être baptisé, si c'est un obstacle sur votre chemin, et que vous sentez que vous devriez le faire, faites-le. C'est vrai. Faites-le. Ne laissez rien se tenir sur votre chemin. Que tout soit parfait. Tiré au clair. Mambo yote ipate kuya wazi kabisa. Mambo ya kubatizwa. Le cette histoire de baptême. Aina mambo ya kusukumwa na mtu. Il n'est pas question qu'on puisse vous forcer par une personne. C'est un problème de la conviction. Ni mambo ya atikisho. Quand vous sentez après avoir suivi la parole. Kisha wako kushika sauti ya Mungu. Vous êtes convaincu dans votre âme que vous devez recommencer votre marche, que rien ne t'arrête. Faites-le avec joie. Ne regardez même pas au nombre d'années. Ne regardez pas ce que toi tu es. Mais considère ce que dit ton âme. Kile nafsi yako kunakwambia. Écoutez cette voix là. Ushikie ile sauti. Qui te dit de te rebaptiser? Kunakwambia sema uende ubatizwe tena. Na ti kuile. Même si tu vas à l'eau de baptême. Ataka mwenda maji ya baptizo. Mais le diacre ou le pasteur te pose de la question. Chimashi wala pasteur. Mais toi tu es un ancien frère. Sio kunduko wa zamani. Et cela ne te dérange pas? Ile ishikuji. Oui, je suis un ancien frère dans le tabernacle. Niko nduko wa zamani mu maskani. C'est tout. Naïcha. Que cela ne dérange personne. Il est juge moto. Frère Branham continue. Nous banama nendelea. Par exemple. Comme fan. Si vous aviez pris quelque chose des années auparavant. Nyaka kumkungu kama uliba kitu kimoya. Et que vous sentez que vous devez mettre cela en ordre. Na unashia usema ile mambo unapaswa kuitengeneza. Allez mettre cela en ordre. Wende ukatengeneze ile mambo. Vous voyez, unaona. C'est ce qui est arrivé même au début de ce message. Kumwanzo ya ujumbe jole fikaka. Même le frère Kanoa ici a été arrêté à cause de ça. Frère Kanoa marumambaka jwa imambo. Parce qu'il devait réparer sa vie. Sababu aripasha kutengeneza maisha yake. Kama uribaka kintu zamani. Il y a très longtemps que tu avais volé quelque chose au travail. Il y a très longtemps que vous avez eu à voler quelque chose. Mais on a mini. Mais vous croyez. Mais muro ya kumunendela ukumu. Dans ton cœur. Chaque fois que neno ikona ubiriwa. La mara qui la parole. Roya kikona ukumiwa. Ton cœur te condamne. Kwenda tengeneza kile kintu. Arranger la chose. Ne regardez pas aux conséquences. Apana kuangalia sasa ni nini tafika mambo mbaya tafika kisha. C'est le Saint-Esprit qui convainc ton cœur. Ni Rome takatifu Dieu na. Ne écoutez pas ce que les gens disent, on va t'arrêter, apana on va te tuer, on va faire ceci. On ne va plus te considérer ni bia bongo. Kama repentance. Iko yenye kusukumwa na Rome takatifu. Repentance pour que pas kufanya kintu. Dieu entrera dans le cœur de ces gens-là. Et les choses se passer en douceur. C'est Satan qui amène cette peur-là pour te tuer dans le péché. Même si Satan faisait le terrain, on va t'arrêter tout ça. On ne te fera rien. Dieu sera au contrôle et tout se passera bien. Et vous remarquerez qu'après avoir mis la chose en ordre, une paix profonde et une joie naîtra de ton cœur. Soyez rassurés par cette paix-là, par cette joie-là. Et que Dieu était à l'œuvre. Et tu es un fils de Dieu. Ne craignez rien. Si vous aviez pris quelque chose des années auparavant, et que vous sentez que vous devrez mettre cela en ordre, allez mettre cela en ordre. Peu importe ce que c'est, tirez tout au clair. Parce que vous allez en arriver à quelque chose. Vous voyez? Et que vous ne pourrez pas aller plus loin tant que vous n'aurez pas enlevé cela de votre chemin. Aussi longtemps tu vas essayer de partir, tu n'avanceras pas dans la foi. Tu vas te mettre à genoux, la chose est là. Vous allez prier en bourse, la chose revient. Tu veux gêner, ce problème là sera toujours là. Tu ouvres la bouche, tu n'as pas de quoi prier. Tu vas forcer le prier. Toi-même tu sens que les ciels le ferment. Il n'y a pas de communion. Ta prière ne va nulle part. C'est toi-même qui fais des bruits. Tu veux quitter là-bas. Tu pars réparer. Quand on a réparé, tu as fait. Si tu répares, quand tu vas rentrer, tu dis à Dieu, j'ai tout réparé. Selon ta parole. Il faut attendre la onction de ma ombre. La prière va venir maintenant. C'est comme ça Dieu, c'est comme ça que Dieu fait avec ses enfants. Vous voyez, vous devrez simplement rejeter tout fardeau. Unapasha kutupa muziko yote. Hapana kutembea na manzambi. Avec des condamnations dans le cœur. Hapana kutembea na mkumu. Faut pas marcher avec des condamnations. Il y a quelque chose qui a été refusé. C'est de marcher avec des condamnations. Auta kwa msalama. Tu unalamka usiku. Tu te réveilles la nuit. Tu n'as plus de sommeil. Uko pa wewe mwenyewe. Tu as la peur en toi. Préparez seulement ça. Vous devez simplement rejeter tout fardeau. Ainsi que toutes les choses qui vous enveloppent si facilement. Vous voyez l'écriture que Frère Branham utilise. C'est Hébreux chapitre 12, verset 1. Ne laissez rien vous envelopper. Ne marchez pas avec des fardeaux dans les cœurs. Ne marchez pas avec des inquiétudes. Réparez tout ce que Dieu, tout ce que vous devez réparer. Et si vous voulez être rebaptisé, allez-y. C'est la chose à faire. J'en ai réparé, j'en ai rebaptisé beaucoup. Vous voyez, Frère Branham me dit, j'en ai rebaptisé beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est compris? Merci. Sixième question. Maintenant. Sasa. Frère, maintenant. Donc, sasa. Dieu m'a fait grâce de croire à sa véritable parole. Mungu alinifanyia kwa neema, mimi naamini sauti yake ya kweli. Hapa sasa. Maintenant. Hapa sasa. Maintenant. Donc maintenant. Hapa sasa. Dieu m'a fait grâce. Mungu alinifanyia neema. De croire à sa véritable parole. Mimi naamini neno lake ya kweli. Et je vis. Na niko naishi. Et je marche selon sa parole. Na niko natembea kufuatana na sauti yake. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Vous êtes un béni de l'Éternel. Mais chose grave. Lakini kitu kia atari, kia nguvu, c'est quand j'ai un problème. Ni mwakati leni kuna mambo, et que je prie. Na minaomba, je jeûne. Na funga chakula, on dirait je prie en vain. Utona sa ni kuna omba biabule tu. Je ne verrai rien. Mistaona kitu. Comme réponse à ma prière. Sajibu kumaombi yangu. Après avoir prié. Kisha mikomba. C'est alors que les choses deviennent compliquées comme jamais auparavant. Kisha mikomba. Jo mambo na kwa nguvu kushindia na vile rikuya. Je vérifie ma vie. Tangaria ku maisha yangu. Je me repens. Mina tubu. Rien ne marche vraiment. Mais lakini hakuna kitu kinendeka. Des fois je me retrouve dans la présence de Dieu. Kusa moi te jikuta muepi ya Mungu. Je manque de mots à dire à Dieu. Niko na shinda na kumwambia tena Mungu. Et je n'ai plus de force de prier comme auparavant. Na nguvu nya kuomba hapa sasa misha nayo sasa mara. Car chaque fois que je prie. Tabu kila wakati nikianze kuomba. Il y a un silence total. Nuna sikia kuko tu kimya. Comme si Dieu n'existait pas pour moi. Utola sa kwangu Mungu ekalake kutena. Que faire, pasteur? Sasa pasteur, mitafanya nini? Je suis au bout. Minaisha kufika kumwisho. C'est vraiment une préoccupation de la sœur. Ii ni angaiko ya dada. Qui passe des bons moments dans la foi. Yonapitia mawakati ya mzuri muimani. Mais seulement, elle ne comprend pas que c'est un bon moment par où tout véritable chrétien ou chrétienne doit passer. Dada wala nduku, acheleto kusema, ni wakati ya mzuri sana, mule mukristo ya kweli anapasha kupitia. Satan la dérange. Shetani ndio anakuwa tukumuuji. Et la sœur ou le frère, au lieu de considérer nduku wala dada, pari pae kuangalia kusema, ce que dit la parole, ile sauti ya Mungu nasema, mais elle se laisse embrouiller par ce qu'elle est en train de ce qui est en train de se passer autour d'elle. Mais lakini anijachilia tu avurduke na ibile binapitikana kumpemeni yake. Pour répondre à cette question, Dieu akujibu sasa kuiulizo. Vous êtes heureux ou vous êtes heureuse, mon frère ou ma soeur. Dada yangu, wala nduku yangu, uku waeri. Car vous passez dans une période de la sanctification. Sababu, uku napita mwile wakati ya utakaso. Une période de la croissance de votre foi. Wakati ile imani yenu, uku nakomea. Et vous passez par une période d'épreuve de Dieu. Na ukuna pita mu kipimo kya Mungu. L'épreuve de votre foi. Kipimo kya imani yako. C'est Dieu qui est en train d'éprouver votre foi. Ni Mungu je konaweka mkipimo imani yako. Pour voir comment tu agis. Dieu a kona utatenda namna kani. Si réellement toi-même tu crois à ta prière, kama bia kweli wewe mwenyewe unaamini mule maombi yako. Et si réellement tu crois Dieu, na kama bia kweli unaamini Mungu. C'est vrai, frère. Ni bia kweli nduku. Quand vous dites, kama nasema, Une chose grave, ce n'est pas grave. Watu wasema mambo ya nguvu sana. Haina mambo ya nguvu, haina mambo mbaya. Tout véritable chrétien doit passer par là. Ce sont des épreuves qui sont liées à la foi de tout véritable croyant. Ni bipimo binambatana na imani ya Mkristo wote wa kweli. Le fait que tu pries. Na mamna vile tu unaomba. Et que tu n'as pas encore reçu. Na auyapokea. C'est-à-dire ta prière ne s'est pas encore matérialisée. C'est un signe qui prouve que tu as déjà reçu. C'est un signe qui prouve que Dieu t'a déjà exaucé. Persévérez seulement jusqu'à la victoire. Jusqu'à ce que vous verrez ce que vous avez demandé. Kufika na pale utaona bilo kunaomba. S'accomplit. Bitimiliki. Regarde ce qu'il y a eu au temps de Daniel. Mwangarie ile mambo ilifika wakati ya Daniel. Lorsque Daniel s'est mis à prier, pale Daniel alianza kuomba. La Bible dit, quand l'ange est venu lui expliquer, il dit, dès que tu avais commencé à prier, Dieu avait déjà exaucé. Et il a envoyé Gabriel, pour venir te donner la réponse. Mais pendant 21 jours, Lucifer a retenu Gabriel. Tout ce temps que tu pries ici, Dieu avait déjà répondu. Mais Lucifer a retenu Gabriel pour te donner la réponse. C'est après 21 jours. Maintenant, quand Dieu libère encore Michael, qui fait la guerre à Lucifer pour libérer la voie. Afin que Gabriel vienne donner le message à Daniel, Gabriel, à quoi était aujourd'hui quoi Daniel, qui était en prière pendant 21 jours. Où les arcos maombi machiku makumi mbili na moja. Fabanam nous exhorte et dit ceci. Fabanam a encore tuonya kwa kamisha mkusema hivi. J'ai déjà lu même cette citation ici. Misha isoma kaele citation. Il dit, est-ce que Dieu répond à la prière? Eti Mungu anajibu kwa maombi? Est-ce que Dieu répond rapidement à la prière? Mungu anajibu kwa haraka kwa maombi? Et Fabien me répond, il dit, tantôt oui, tantôt non. Ça zingina pana. Kukawia kwa jibu ya Mungu, aina alama kuambia kuse Mungu ashijibu. Quand la réponse de Dieu traîne, ce n'est pas un signe qui te prouve qu'il n'a pas répondu. Regarde d'abord dans ta question. Angarembe mulizo yako. Depuis que tu as cru, tanyo kuamini. Tu n'es plus la même femme, tu n'es plus le même homme. Tu vis et tu marches selon la parole de Dieu. C'est l'une des choses qui te rassure que tu es une fille ou un fils de Dieu. On a quand vous venez de croire. Mungu anafanyaka bintu bya mingi ni juu ya kushikamisha imani yako. Dieu fait beaucoup de choses, c'est pour affermir ta foi. Kama unatoka kuamini, quand vous venez de croire, unaomba, vous priez, Mungu anajibu. Dieu répond. Unaombea mgonjwa, tu pries pour le malade, Mungu anajibu. Dieu répond. Unaomba hiki, tu demandes ceci, Mungu anajibu. Dieu te répond. Même levez de votre cœur, kama mahitaji ya moyo wako, Mungu anajibu kwa haraka. Il est ça, ni mu phase ya justification ni wakati ya kuhesabia haki ungari mtoto mu mambo ya Mungu et encore bébé dans la foi. Mungu eko na kuhakikishia kusema Dieu voulait te confirmer ou te certifier baba yako qui prend soin de vous. C'est dire que n'ayez pas peur, je suis ton père, je prends soin de toi. Kama unatoka mu phase ya butoto, quand tu traverses le unapita mu phase ya sanctification, tu passes dans l'étape de la sanctification. Mungu yako na kuacha, là Dieu te laisse. Ni tu imani yako ikome, c'est pour faire grandir ta foi. Upate kuonesha que tu puisses montrer ce que tu as cru. Souvent, c'est ce que nous faisons même avec nos enfants. Un enfant qui me demande quelque chose. Un enfant de 3 ans, 4 ans, 3 ans, 4 ans. On lui donne. Tu n'as pas tiré qu'à quoi épaisse. Il doit aller, un paquet de biscuits. Donner les biscuits. Il pleure, un paquet. Il a donné encore les. On a fait la foca. Ah, vous tenez même deux fois. Mais un garçon, une fille de 20 ans, 25 ans. Quand ma nénée, ça, 20 ans, 25 ans. On lui apprend à attendre. Tu n'as pas confondu ça, on n'a pas ce qu'il y a que chunga. Aina tu we baba yabo unakuja paka hivi. Papa. Toi papa tu arrives seulement comme ça. La foi dit papa, je n'ai pas les chaussures. Attends, je paye les chaussures. Ah non. Uchunge. Patiente. Pas les mita pata makuta tukuji. Quand j'aurai l'argent, je vais payer. Mutoto ye. L'enfant lui, awezi kuchunga. Il ne peut pas patienter. Ana na patience. Parce que ndani yake uvumilivu haina amo. Mais we mutoto wa une fille de 20 ans, de 18 ans, de 25 ans. Un bébé n'a pas de patience en lui, mais lorsque tu as tes 18, 25 ans, tu as déjà grandi. On t'apprend que ça. On ne reçoit pas tout automatiquement. On t'apprend que Papa a d'autres chats à fouetter. Il n'a pas seulement toi. Il va répondre à ta requête. Mais attends d'abord qu'il s'occupe d'autres choses. Et toi croyais que papa fera ce que j'ai demandé. Papa a il s'occupe d'abord des choses importantes. Voilà comment un chrétien fait. Quand tu pries, et tu n'as ne vous découragez pas. Croyez que Dieu se préoccupe d'autres frères, d'autres sœurs qui ont des besoins plus importants que toi. Attendez dans la foi. Croyez que le temps de Dieu viendra. Dieu te donnera ce que tu as demandé. Et dans soyez certains de Dieu. Allez jusque dans le paragraphe 62. Attends, ma commissaire Lambiri. Vous savez, je lis. Nous l'assommons. Mon adjoua. Après avoir confessé nos péchés. Qui chakukiri mazamba. Et satisfait à chacune des exigences de Dieu. Na kufanya bile biote Mungu alilomba. Nous avons cru en Dieu. Tunaamini ndani ya Mungu. Il y a des conditions à remplir. Et c'est selon sa volonté. Vous voyez, ces conditions à remplir, c'est selon la volonté de Dieu. Et nous avons confessé nos péchés. Et nous avons redressé tous nos torts. Tout ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait. Chacune des exigences que Dieu nous a indiquées, nous y avons satisfait. Il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. Je suis sûr que je parle ce soir à certaines personnes qui sont en train de passer par là. C'est toi, ma soeur, c'est toi, mon frère. J'y suis passé moi-même bien des fois. J'ai examiné alors ma vie passée, retourna chaque pierre, kugeuza kila ribwe. Et quand je découvrais que j'avais fait quelque chose de mal, je le confessais disant, Seigneur Dieu, je me mettrais en règle et je le faisais. Puis je revenais en disant, maintenant Seigneur, Tu es Dieu. Uko Mungu. Tu me répondras. Utenijibu. J'ai bel et bien satisfait à ce que tu avais exigé de moi. Bile bi otori nilomba, je et na chaque condition, je l'ai rempli. Na kila kanunu nunueke amiri timiza. Et s'il refuse toujours de bouger, lakini ka anandela mukatala kutenka. Achitenke. Il semble rester silencieux. C'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, soyez certain de Dieu. Vous voyez? Soyez certain. Avant de faire quoi que ce soit. Soyez certain dans votre cœur. Qu'il s'agit de Dieu. Et quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit. Et que de plus. Vous êtes certain qu'il est Dieu. C'est là que la foi entre en action. Précisément là. Ah, zaidi pale. La foi tient bon. Iman, la foi tient ferme. Iman, car elle sait que Dieu existe. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Bon, dada. Et vous avez rempli chacune des conditions. Na, uritimiza kila kanuni. Vous croyez qu'il existe. Unamina, kusema, e kwako. Et la foi tient ferme. Na, imani, na, shimama, imara. Oh, béni soit le nom. Oh. Béni soit son nom. La foi ne bougera pas. Car elle est sûre que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Vous voyez, puisse ceci pénétrer profondément en vous, Kambove tabernacle, et y demeurer à jamais. Si vous avez rempli les conditions requises par Dieu, et que dans votre cœur vous croyez qu'il existe, alors Dieu ne fait que prouver votre foi. Alors, Dieu ne fait que prouver votre foi. Car il aime faire cela. Vous voyez, si vous avez confessé vos péchés et satisfait à chacune des exigences, et qu'il reste malgré tout silencieux, souvenez-vous, la foi déclare qu'il existe. Alors la foi s'y cramponne. Elle ne sait plus de quoi il s'agit, mais elle sait qu'il existe. Elle est certaine que Dieu existe. Et quand vous resterez attaché à cela, Dieu va répondre. C'est vrai, frère. Comme on a déjà semé, vous savez bien que vous êtes enfant de Dieu. Na maisha yako iko sawa. Eke ta vie elle est correcte. Hakuna kitu kibaya. Il y a pas de mauvaise chose. Chiko ndana maisha yako. Si tu as votre vie. Na kile ulifanya. Et même si tu as fait du mal. Ulifanya kitu kibaya. Si tu avais fait quelque chose qui n'est pas correct. Vous allez confesser. Mungu anakupardonner. Dieu te pardonne. Mais Mungu akujibu. Et Dieu ne te répond pas. Endelea kuamini ya kusema. Continue à croire. Mungu anaisha kushikia maombi yako. Écouter ta prière. Na Mungu anaisha kukujibu. Et Dieu t'a déjà exaucé. Na ile unaomba itaonekana. Ça va se matérialiser. Écoutez les diables. Oh Dieu ne me connaît oh, pas. Oh mina te sana. Depuis que j'ai gêné. Mais Christ ne combat la gêner. Chrétien c'est prier et gêner. Sur quoi mon Christ ne joue qu'au combat dans vie. Tu es devenu chrétien c'est pour livrer bataille. Ou la mine ne joue à Kutumika. C'est pour travailler. Maintenant c'est de cette manière que vous travaillez. Ni mouille nam nan joku la tumika. Il faut beaucoup aimer un événement pour aller fulani. Il est comme la kusuiza. Il est comme la kutosha salama ya ulimwengu. Ni joku la kutafuta Mungu. C'est afin de te pousser à chercher toujours Dieu. Vous voyez? Non, non. Donc ne soyez pas au bout. Apana kufika kumwisho ndugu dada. Que cette réponse te fortifie. Ijibu ipate kukutia nguvu tena. Faites confiance en Dieu. Wetu mainia tu Mungu. Notre Dieu Mungu est vivant. Wetu ni mujima. Et il est un véritable père. Na ni baba wa bia kweli sana. Wakati yake. Il va te donner ce que tu as demandé. Atakupatia bibi utosha kulomba. Septième question. Ulizo ya saba. Pasteur. Pastori. Moi je m'habille décemment. Mie na voalaka na heshima. Je ne me maquille pas. Shiji pentaki. Comme le dit la Bible. Paka vile Biblia asema. Mais il n'y a que les hommes païens. Mais kuku paka banaume ba pagano. Qui courent derrière moi. Joba lebeko ninifuata. Qui s'approchent de moi pour me demander à mariage. Joba lebeko nakuya kunyomba banyowe. Et quand tu regardes, na kama unaangalia, ce sont les hommes bien. Ni kwa kubangalia tu ni banaume bazuri tu. Responsables. Benye kuwa na madaraka. Ils ont un peu d'argent. Beko kuna kafeza. Cela dérange beaucoup ma foi. Ile iko na tenkesha sana imani yangu. Et quand je prie, na mwakati minaomba, c'est alors que les autres vont encore s'ajouter pour me déranger. Jo bengine tena banaume batangezeka kwa kunyurufata. Il y a un autre qui a insisté. Kumwingine njo alikuwa nakukazisha. J'ai vu mon âge avancer. Kuangalia miaka yangu shakuchofu ako. J'ai cru que c'était peut-être lui l'homme de ma vie et j'ai accepté. Nafika na mkuichika sasa peut-être njo mwanaume wa maisha yangu mimi nichika na kuichika. Mais depuis que je l'ai accepté. Mais tangia nilimuichika. Quand je le vois. Nikimone tu. Ce sont des condamnations sur condamnations qui s'élèvent en moi. Mimi nashikia mahukumu na mahukumu kunalamka ndani yangu. Jusqu'au point où je manque même la paix. Fika mkipimo na salama yenyewe inenikosa 2 ou 3 mois kuna kwa mienji wala 2 wala 3 après kisha j'ai pris la décision de rompre avec lui mimi beba mpango ya kumkatala mais jusque là mais kufika na leo il y a déjà une année kuna kwa mwaka mjima il y a déjà une année et demi une année et demi passée mwaka mwana kipande chapita mais c'est seulement les païens qui sont derrière moi, cela me trouble. Et cela trouble beaucoup ma foi. Je me demande pourquoi ceci m'arrive. Ne suis-je pas une fille de Dieu? Pourquoi l'Éternel est toujours silencieux envers moi? Je me demande peut-être. Ma place n'est pas ici. Parce que ici je vois les frères, les sœurs être bénis dans la chair et dans l'esprit. Mais moi, ce n'est pas le cas. Que faire, pasteur? Pasteur, tu as fait quoi? Vous voyez. Munaona. Je suis vraiment au bout, merci. Minesha kuchoka, asante. Déjà la première réponse que j'ai donnée. Il est jibu minatoka mkujibu. Répond à votre préoccupation. Itasaidia na kuihangaiko yako. Cela fait partie. Je réponds à la question. Vous avez suivi la préoccupation de la sœur. C'est la même qui a posé la sixième question ici. Vous avez compris la période par laquelle il passe. Je te dis pour ne pas aller trop loin. Tu es une chrétienne. C'est pourquoi ces choses t'arrivent. Ça fait partie des épreuves de votre foi. Le conseil que je vous donnerai et d'autres frères et sœurs qui passent par de tels moments, gardez toujours la parole de Dieu. Endelea na kuchunga sauti ya Mungu. Continue à faire confiance en Dieu. Endelea kumutumainia Mungu. Car après cette épreuve, kisha tu ikipimo ou ces épreuves, wala ibipimo, tu seras certainement béni. Hakika utabarikiwa. tu seras certainement consolé. Akika Mungu atakufariji. Et vous oublierez même ces petites épreuves. Na utuma bipimo tulokutuloko utetusabwa. Quand tu pries, ce sont des païens qui viennent. Wakati unaomba njoba pagano manakuya tena. Tu pries, les païens viennent comme les abeilles autour de la farine de manioc. Ma soeur, tu n'es pas une viande pourrie. Non, ma soeur. Tu es une véritable chrétienne. Mais Dieu éprouve ta foi pour voir comment toi tu réagiras. Reste ferme dans la foi. Passez rapidement, vous passez un temps d'épreuve, un temps de test. Vous voyez, regarde quand tu avais accepté ce monsieur-là, pour voir que tu es une fille de Dieu, tu n'as pas eu la paix. Nakama Uriendele. Et si quand tu as arrêté, c'est la meilleure des décisions que tu as prises. Dieu te pardonne pour cette erreur que tu as faite. Voyez, tu l'as accepté sous pression de Satan. Il te disait, voyez, les frères, il n'y a pas de frères qui t'aiment, tu prends de l'âge. Tu as écouté Satan. Et cette pression-là t'a amené à accepter cet homme-là. Même si cet homme-là t'avait épousé, tu ne serais pas heureuse. Parce que tu aurais brisé la volonté de Dieu. Et vous ne pouvez jamais briser la parole de Dieu et espérer être heureux. Non, mon frère. Non, ma soeur. Si ce garçon-là t'avait épousé, tu ne serais jamais heureuse. La femme d'un serviteur de Dieu. Quand j'étais à Kabongo, il avait un véritable homme de Dieu. Mais après un certain temps, avec les difficultés de la vie après le décès de son mari, il y a eu un faux évangéliste d'une église pentecôtiste qui était venu lui demander la main. Dans les premières heures, elle avait refusé. Au fur et à mesure que ce monsieur-là insistait, il dit, moi aussi je suis serviteur de Dieu, je t'aime. La sœur a fini par accepter. Le pasteur qui m'est venu me dire, pasteur Philippe, il dit, voilà les rapports que j'ai reçus de la part de la sœur telle. J'ai pris mon vélo, je suis allé à 9, à 12 kilomètres. Là où elle habitait maintenant. Je lui ai dit, avec ma main sur le cœur, il dit, ma soeur, tu commets une erreur grave. Toi, une chrétienne, une veuve d'un serviteur de Dieu, tu as combattu pour cet évangile. Et cet évangile, si t'as coûté la vie et a coûté même la vie de ton mari. Tu as abandonné la ville parce qu'il était à Kolwezi. Tu as abandonné la ville. Tu es venu ici pour l'œuvre de Dieu. Ton mari est mort à cause de l'œuvre de Dieu. Et toi, tu veux humilier le Seigneur? Abandonne cette histoire-là. J'avais parlé. J'ai pris la Bible, j'ai exhorté la sœur. Et dans tout cela, elle me dit, comme réponse, j'ai compris, Frengoi, mais je l'ai déjà accepté. J'ai dit, ça va. Ils se sont mariés. Frère, sœur, Elle n'a jamais été heureuse. Je pense que mon épouse qui est là connaît la sœur dont je parle. Bibi yangu na yule dana semea Asia kuyaka waeri. Vous voyez? Non. Elle n'a jamais été heureuse. Après que ce faux évangéliste dénominationnel l'ait prise, il avait révélé sa nature. Et la sœur est devenue malheureuse. Et vous savez comment elle a fini sa vie? Elle a fini sa vie dans une maison d'un devin. Voyez frère, apana kufwana bintu kama muro ya komuko condamnation. Acha de condamnation dans votre cœur. Vous voyez? Non. C'est pourquoi vous voyez la sœur ici. Cette condamnation qui venait dans votre cœur, qui vous enlevait la paix, c'est le Saint-Esprit qui vous faisait pression pour vous dire, tu as commis une grosse erreur. Tout ce qui n'est pas conviction est un péché. Ton cœur, doute. Il y a encore des doutes. C'est ce que dit Romains chapitre 14, verset 23. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Ne faites pas ce que tu l'avais fait. Heureusement, tu t'es racheté vite, vite. Et je vous demande de passer au bureau. Pour des amples instructions qui vous concernent. Vous voyez bien mes frères. Ne faites jamais ces choses-là. Parce que vous serez troublés davantage. Je me demande pourquoi ceci m'arrive. Ne suis-je pas fille de Dieu? Ces choses t'arrivent parce que tu es une fille de Dieu. Vous voyez? Pourquoi l'Éternel est toujours silencieux envers moi? Non, l'Éternel n'est pas silencieux. Il t'a déjà répondu. Exerce seulement ta foi. Garde ta foi. La foi est patiente. La foi persévère dans la prière. Et vous recevrez ce que Dieu a pourvu pour vous. Je me demande peut-être ma place n'est pas ici. Ça c'est Satan qui te prêche. Vous voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. C'est Satan qui te prêche. C'est lui qui te dit que ta place n'est pas ici. C'est Satan. Dans la parole de Dieu. Tu as changé même le comportement. Satan quoi quand bien les gens aujourd'hui que les diables ont dit que changer. C'est lui qui te condamne. Est-ce que c'est le diable? C'est lui qui t'a changé. Et celui qui te condamne et qui t'avertit lorsque tu veux faire du mal. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Oui, bien mes frères. Parce que je vois les gens ici être bénis dans la chair et spirituellement. Et moi, ce n'est pas le cas. Tu es seulement béni, mais tu n'as pas seulement un discernement dans les choses de Dieu. Et pour ce qui est de la chair, en attendant que tu vois cela, soyez seulement patient. Ton tour viendra. Quand on va dire, si on a épousé telle sœur, sachez que ton mari aussi, Dieu l'a déjà placé quelque part. Mais ton mari n'est pas ici. Dieu lui fait quitter franchement frère, qui vient croire, c'est lui qui t'épousera. Bale bote wanaanza kutumainia bale. Abana babu wana yako. Wako yuko quelque part mais yakuya. Pengine ni mpagano. Ayamini. Inapankokru. Soyez patient. Oui, vous milia. Et n'écoutez pas tout ce que ces démons-là vous disent. Soyez patients. La bénédiction de Dieu viendra au temps de Dieu. Persévère. Garde la foi. Fais confiance en Dieu. Craignez le Seigneur. Vivez la parole de Dieu. Et attendez. En silence, ta réponse qui viendra de la part de Dieu. Et pour le reste, venez me voir au bureau. Pour ce soir, inclinons nos têtes. Notre Dieu est notre Père. Tu es un Dieu plein d'amour. Parce que quand nous nous sentons abandonnés et nous sommes troublés par le diable, mais tu nous apportes une parole de consolation. Seigneur, d'une manière particulière, je te recommande cette sœur qui a posé cette question, qui est dans cette phase de la sanctification des preuves, de lui donner suffisamment de grâce pour surmonter cette épreuve. Je ne demande pas seulement pour elle, je demande pour tous les frères et toutes les sœurs qui sont ici présents dans ce tabernacle et ceux qui sont en ligne, qui suivront ces réponses, qui passent de tels moments. Seigneur, assistez-les. Bénis-les, Seigneur. Fortifie-les. Et que la paix et ta consolation viennent dans leur cœur. Merci, Seigneur. Bénis cette congrégation. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous reverrons demain, si cela est la volonté du Seigneur.